Yeah. Okay. Badon. Yellow Gaza. Beautiful girl, let's just dig it there, stars. Wa connect. Come coke. Wa connect, na toxi, wa connect. Nou kai mete kai la otra kai veyo. Panta fom, panta fom, panta fom. Acid on les coques, mais sous ses têtes là jusqu'à Gwen, mais ma t'es bon, on fait ça, bon, c'est tout de suite, c'est pas des mais à tes effets solés, mais à tes effets solés, mais à tes effets solés, acid on les bagailles, chérie, tout de suite, et je vais rien laisser pour demain, chérie, tout de suite, et il n'y aura plus rien pour ton copain, chérie, tout de suite, et tu mexiques quand tu touches tes seins, chérie, tout de suite. Tout de suite. Oui, nous on sapani chichi, madaguada, pa pièce magie, rive si ou l'express des îles, ces autres kawen, ni bokobin, les wedon dada, kachopin, chalet, autres choti, mes skokin, nous panitan, fait politique, la te kade, yon sa gigigi. Chéri, tout de suite. L'anglais, moi même, j'ai épicé. Faut que t'étais épiqué, mais craché à dents et aspiré. Faut qu'on glarette et pimenté. C'est qui te veut et qui mandé. Pas où venez, puis qui mandé. Bon, non, non, la fin qui est bandé. Tout de suite. Maté bon d'or pour m'appeler fouillé. Koubi, pas qu'à courir. Ajoute nous pour m'appeler jouer en air. Moi, si ou gaille courir. Tout plein d'y fait, moi même, c'est la pire. Ou qu'à trembler ou pour même dit. Nous a en route, on a des amis. C'est d'accord, chéri. Tout de suite, sans ta mère, guess pas ta saucisse. Ouvrez tout de bite tout de suite. Ça qu'elle fait vite, pas de chichi. Faut que ça glisse. Mon clitoris et ton pénis. Tu veux que ça glisse sous clitoris, suce mon pénis. Fais pas de caprice et quand t'es cuisse. Et je la glisse ma grosse saucisse. Ou qu'elle m'en dépisse. Va tout trou nous névisse. Il faut que tu gémisses et que tu jouisses. Moi chalet, le feu, petit garçon, montre-moi ta queue. Même dans ma bouche, même pas un nœud. Je suis vicieux, c'est pas des jeux. Tout de suite, hein, yellow gaza, seconde de suite. Tu prendras la suite, madame. Chérie, tout de suite, et je vais rien laisser pour demain. Chérie, tout de suite, et il n'y aura plus rien pour ton copain. Chérie, tout de suite, et tu mexiques quand tu touches tes seins. Chérie, tout de suite, tout de suite. Ok, va donc, Yozo, Yellow Gaza. Mais j'aime ce que ma gaine, si Kobe qui est là. Wa connaître, na toxi, wa connaître.